Le service de remise du prix a sélectionné à la mise à prix du concours international des livres et ouvrages littéraires et artistiques à l'occasion du 5e festival international en l'honneur des grands hommes de San, a eu lieu le 16 courant au Palais de la Culture du Peuple à Pyongyang. Y ont pris part Kim Jong-suk, présidente du Comité coréen pour les relations culturelles avec l'étranger, les officiers intéressés du Comité central de l'Union des écrivains coréens et du Comité central de l'Union des journalistes coréens, les célèbres écrivains et personnalités de divers pays qui ont présenté les livres et ouvrages littéraires et artistiques en l'honneur des grands hommes de San. On y a tout d'abord conféré les diplômes et prix à 15 sélectionnés au concours, tels que le président de l'Association culturelle et d'amitié Chypre-Corée, l'écrivain argentin et le représentant de l'Institut des affaires de la Corée contemporaine Déimé du Japon. On a ensuite remis les certificats d'écrivain d'honneur et de journaliste d'honneur de la République populaire démocratique de Corée au président du Cercle d'études de la politique de Sungun du Bangladesh et au rédacteur en chef de la revue biélorusse Éducation sociale.